Imaginez-vous dans une salle remplie de personnes créatives, motivées et prêtes à travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. Mais pour que cela fonctionne, il faut quelqu'un qui guide le groupe, qui facilite la communication et la créativité. Voilà le rôle du facilitateur de groupe et c'est exactement ce que la formation « Se former à la facilitation de groupe » vous apprendra à faire. Cette formation est conçue pour vous donner les outils et les compétences nécessaires pour faciliter des groupes de manière efficace. Vous apprendrez à comprendre la posture du facilitateur, à utiliser des techniques de créativité pour générer des idées, à gérer le temps et à construire un déroulé d'atelier efficace. Vous expérimenterez également diverses méthodes collaboratives, comme les post-it, les photolangages et les brise-glaces, pour créer un environnement propice à la créativité et à la collaboration. Mais la facilitation de groupe, c'est plus que juste des outils et des techniques. C'est également comprendre l'importance de la cohésion d'équipe et de la confiance dans un groupe. C'est savoir comment créer un espace où les participants se sentent à l'aise pour partager leurs idées et leurs pensées. Et c'est là que la formation « Se former à la facilitation de groupe » prend tout son sens, car elle vous donne les compétences nécessaires pour faciliter des groupes de manière efficace et pour créer des résultats concrets. La formation dure 2 jours et c'est conçu pour des groupes de 6 à 12 personnes. Vous aurez l'occasion de pratiquer des exercices de créativité, comme les dominos, qui peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques. Alors, si vous souhaitez améliorer vos compétences en matière de facilitation et de collaboration, n'hésitez pas à vous inscrire à cette formation. Vous apprendrez à créer un environnement propice à la créativité et à la collaboration. Et vous deviendrez un facilitateur de groupe efficace, capable de conduire des ateliers collaboratifs de qualité. Et rappelez-vous, la clé de la facilitation de groupe, c'est de créer un espace où les participants se sentent à l'aise pour partager leurs idées et leurs pensées. Alors, rejoignez-nous et découvrez le pouvoir de la facilitation de groupe.